إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، on commence le cours 12 l'explication de tafsir surat al-Hujurat avec le tafsir de Sheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen. Naam. Donc on continue avec qu'est-ce qu'on avait expliqué du verset 12. On n'a pas fini, donc au dernier cours après le dhuhr, on a mentionner l'explication du verset qui dit wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da, n'espionnez pas et ne parlez pas dans le dos les uns des autres. Donc ça c'est qu'est-ce qu'on a expliqué au dernier cours de surat al-hujurat, le verset 12. Maintenant on continue avec la fin de ce verset dans la parole dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala il dit ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumu wattaqullah. C'est-à-dire, est-ce que vous aimeriez ou est-ce que l'un d'entre vous aimerait manger la chair de son frère mort, vous détesteriez ça, vous le détesteriez, alors craignez Allah et ayez de la piété. Donc le cheikh il dit at-taqwa yakthuru al-amru biha fi al-Qur'an al-Karim wa kadhalika fi as-Sunnah fama hiya at-taqwa allati yakthuru wuruduha fi kitab Allah wa ala lisan Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam innaha kalimatun 'azimah innaha ta'ni al-wiqayah min 'adhab Allah wa takunu al-wiqayah min azab Allah bi amrayn. Donc le cheikh il dit on retrouve souvent l'ordre de at-taqwa dans le Coran, c'est-à-dire Allah il nous ordonne d'avoir at-taqwa et également dans la sunna. Donc qu'est-ce que c'est at-taqwa, qu'est-ce que c'est cette taqwa que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne constamment dans son livre et par la langue de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh il dit c'est une parole immense en sens et en signification, et elle signifie une protection du châtiment d'Allah. Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala il t'ordonne d'avoir la taqwa et il dit attaqullah, et bien ça signifie de prendre une protection contre le châtiment d'Allah. C'est comme si Allah disait, quand il dit wattaqullah, c'est comme s'il disait prenez une protection contre mon châtiment. D'accord? Et le cheikh il dit cette protection contre le châtiment d'Allah, elle est dans deux choses. Premièrement, al-amru al-awwal imtithalu awamirillah azza wa jalla bi an yaqul al-qa'il idha sami'a amra Allah sami'na wa ata'na. فإن هذا هو قول المؤمنين قال الله تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا ولا تقل ما الفرق بين كذا وكذا، يعني لماذا يأمر بكذا ولا يأمر بكذا، فمثلا في لحوم الإبل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نتوضأ من لحومها وكذا، ولهذا كان أكل لحوم الإبل ناقض للوضوء على القول الراجح من أقوال العلماء. فلا تقل لماذا يأمرنا بالوضوء من أكل لحم الإبل ولا يأمرنا بالوضوء من أكل لحم البقر، مع أن كل منهما يسمى بدنة. ولا تقل لماذا تؤمر الحائض بقضاء شهر الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة على سبيل التشكيك، ولكن قل سمعنا وأطعنا. Donc la première chose par laquelle on se protège du châtiment d'Allah, c'est en mettant en pratique les ordres d'Allah. En mettant en pratique les ordres d'Allah. Et en disant, lorsque Allah nous ordonne quelque chose, nous entendons et nous obéissons. Nous entendons et nous obéissons. Et ça, c'est la parole des croyants. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, je crois que c'est dans Surat An-Nur, il dit, « Innama qawla al-mu'minin » C'est-à-dire la parole des croyants est uniquement, la parole des croyants lorsqu'ils sont appelés à Allah et à son messager pour qu'ils jugent entre eux, est seulement de dire « Nous entendons et nous obéissons ». Donc ça c'est la parole des mu'minin quand ils sont appelés à revenir à Allah et à son messager pour juger. Ou bien lorsque Allah et son messager appellent à juger entre eux dans une question quelconque. Et donc tu ne dois pas dire c'est quoi la différence entre telle chose et telle chose. Quand Allah t'ordonne de faire quelque chose ou de t'abstenir de quelque chose, tu ne vas pas commencer à dire ah, mais pourquoi ça, et pourquoi on fait ça pour ça mais on ne fait pas ça pour ça, ou pourquoi il nous ordonne ceci et il ne nous ordonne pas cela. Comme il dit par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné de faire le wudu après avoir mangé la viande de chameau. Et ça veut dire que de manger de la viande de chameau, ça annule le wudu. Et ça, c'est la position qui est la plus correcte par rapport aux positions des ulama sur cette question. Maintenant, le cheikh, il dit, bon, pourquoi il nous ordonne, quelqu'un ne doit pas dire, pourquoi Allah nous ordonne de faire le wudu après avoir mangé la viande de chameau, mais il ne nous ordonne pas de faire le wudu après avoir mangé la viande de la vache. Et les deux, on les appelle badana, en arabe. Donc, il dit, pourquoi? Il ne faut pas poser ce genre de questions-là. Ça, c'est la sagesse d'Allah. Et donc, on doit accepter et se soumettre. Et on doit dire, on entend et on écoute. C'est la même chose. Pourquoi on ne doit pas demander, par exemple, mais pourquoi la femme, quand elle a ses règles, elle doit reprendre les jours de jeûne qu'elle a manqué, mais elle n'a pas besoin de reprendre la salade. On n'a pas à poser ce genre de questions-là. Et la seule chose qu'on a à dire, c'est, on a entendu et on a obéi. On n'a pas besoin de se commencer à poser des questions, puis essayer de faire douter les gens ou de mettre des doutes dans quelque chose alors que l'affaire est claire. Cheikh, il dit également la deuxième chose par laquelle on peut avoir une protection du châtiment d'Allah, c'est اجتناب ما نهى عنه. اجتناب ما نهى الله عنه. فإذا نهى الله عن شيء فقل سمعنا وأطعنا واجتنبنا. وتأمل قول الله عز وجل في الخمر والميسر والأنصاب والأزلام حيث قال يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. أي فبعد هذا التفسير والتبيين هل تنتهون أو لا؟ وهذا الاستفهام بمعنى الأمر، أي فانتهوا. ولهذا قال الصحابة رضي الله عنهم انتهينا. فصارت التقوى تتحقق بأمرين، الأمر الأول امتثال أمر الله عز وجل دون تردد، والثاني اجتناب ما نهي الله عز وجل دون تردد. Donc le cheikh il dit la deuxième chose par laquelle on peut avoir une protection du châtiment d'Allah, c'est en s'écartant de ce que Allah a interdit. Et c'est-à-dire, si Allah subhanahu wa ta'ala a interdit quelque chose, eh bien la seule réponse qu'on doit avoir, c'est de dire nous entendons et nous obéissons et nous nous abstenons de cette chose. Et méditer sur la signification du verset dans le Coran, je pense que c'est le verset 91, attendez juste, je vais vérifier pour être certain. verset 91, oui, non, 90 et 91, dans Surat Al-Ma'idah. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ce qui signifie « Oh, les croyants, le vin, les jeux de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination, œuvre du diable. Écartez-vous-en afin que vous réussissiez. Le diable ne veut que jeter parmi vous à travers le vin et le jeu de hasard l'inimité et la haine et vous détourner de l'invocation d'Allah et de la salat. Allez-vous donc y mettre fin ?» Et le cheikh, il dit, ça signifie à la fin, quand il dit le shaitan il veut uniquement faire ça entre, il crée des problèmes et de l'animosité entre vous et de la haine entre vous avec l'alcool et les jeux de hasard et vous détournez de la salat et du rappel d'Allah, hein, après vous avoir expliqué tout ça et vous avoir fait comprendre tout ça clairement, n'allez-vous pas vous en abstenir et vous arrêter, oui ou non? Et le cheikh dit, ce genre de questions, ce genre de phrases interrogatives a le même sens que de l'ordre, et c'est comme une phrase impérative en réalité. C'est comme pour te dire, abstiens-toi-en. Hein? C'est pas, il pose la question, mais c'est dans le but de dire, en réalité, il faut cesser de faire ces choses-là. Et le cheikh, il dit, et la preuve également, c'est que les sahaba, quand ils ont entendu ce verset-là, quand Allah dit, fahal antum muntahoun, c'est-à-dire, est-ce que vous allez arrêter? Est-ce que vous allez cesser? Et les sahaba, ils ont répondu quoi? Ils ont dit, intahayna, intahayna. Fahal antum muntahoun, est-ce que vous allez arrêter? Et ils ont dit, intahayna, intahayna. C'est-à-dire, on arrête. Le cheikh, il dit, les frères, il ne faut pas mettre toutes les bouteilles dans le frigidaire, hein, parce qu'on ne pourra pas les prendre après quand les femmes vont rentrer. Inch'Allah. Donc, at-taqwa, la protection du châtiment d'Allah, elle se réalise par deux choses. La première, c'est en implémentant les ordres d'Allah sans aucune hésitation, et deuxièmement en s'écartant de l'interdiction d'Allah sans aucune hésitation. Puis Allah subhanahu wa ta'ala termine ce verset en disant, inna Allah tawwabur rahim, inna Allah tawwabur rahim, hein? Et on a parlé du nom d'Allah tawwab, celui qui accepte la repentance de ses serviteurs. On a expliqué ce que ça signifie également. On a expliqué que c'est dans le sens que Allah subhanahu wa ta'ala, il donne le succès aux serviteurs de pouvoir se repentir, et également dans le sens que il accepte la repentance de son serviteur une fois qu'il s'est repenti. Maintenant, il dit qu'il est Rahim. Hein? Et donc le cheikh explique. Il dit, Hu Allah subhanahu wa ta'ala Rahimun wa huwa Rahman. قد اجتمع الاسمان في اعظم سوره من في القران في الفاتحه قال العلماء اذا ذكر الرحمن وحده كما في قوله تعالى واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن او ذكر الرحيم وحده كما في هذه الايه تواب الرحيم فمعناهما واحد يعني أن الرحيم والرحمن ذو الرحمة الواسعة الشاملة والرحمن إذا ذكر وحده كذلك كذلك هو الرحمة ذو الرحمة الواسعة الشاملة أما إذا اجتمع جميعا فالرحمن باعتبار الوصف والرحيم باعتبار الفعل يعني أنه عز وجل ذو رحمة واسعة وهو أيضا راحم وموصل الرحمة إلى من يشاء من عباده كما قال الله يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون أسأل الله أن يعمني وجميع إخواننا المسلمين برحمته وأن يجعلنا من دعاة الخير والإصلاح. Donc le cheikh, il dit que ici Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'il est Rahim. Il est Rahim et il est Rahman. Hein? Et Rahim, vient de la tribu de Ar-Rahma, qui veut dire la miséricorde. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le miséricordieux. Et ces deux noms-là sont réunis dans une des plus grandes surahs dans le Coran, dans le livre d'Allah, et c'est-à-dire surah al-Fatiha. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala dit, yani, Alhamdulillah Rabbil Alameen, Ar-Rahman Ar-Rahim. Hein? Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah subhanahu wa ta'ala a réuni ces deux noms-là dans surah al-Fatiha. Puis il y a d'autres versets. Il y a d'autres versets où ces noms-là sont mentionnés séparément. Comme par exemple la mention de Ar-Rahman, qui est mentionné tout seul dans certains versets, comme وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنِ. C'est-à-dire dans le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et lorsqu'on leur demande ou lorsqu'on leur dit prosternez-vous pour Ar-Rahman, et ils disent et c'est quoi Ar-Rahman, hein? Ils demandent qu'est-ce que c'est Ar-Rahman, comme s'ils essaient de nier ce nom-là à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est les mushrikin. Et donc des fois, donc, comme dans ce verset, on voit que Ar-Rahman est mentionné tout seul, et dans d'autres versets il mentionne l'attribut ou le nom Ar-Rahim tout seul également. Et donc l'exemple, c'est le verset 12 dans surat Al-Hujurat. Ici il dit Inna Allah tawwabun rahim. Donc le cheikh dit, quand les deux sont mentionnés ensemble dans le même verset, ils ont des significations différentes. Mais quand ils sont mentionnés tout seuls dans des versets séparés, eh bien dans ce cas-là, les deux ont la même signification et comprennent le même sens. C'est ça qu'il veut dire. Donc par exemple ici, dans le verset où il est mentionné en même temps, il dit donc ça a la même signification. C'est-à-dire que Ar-Rahman et Ar-Rahim, quand ils sont mentionnés dans le même verset en même temps, ça veut dire Ar-Rahman et Ar-Rahim signifie celui. S'ils sont mentionnés dans deux versets différents, Ar-Rahman et Ar-Rahim ont la même signification. Ça veut dire celui qui possède la miséricorde, la grande miséricorde qui est immense et qui enveloppe toute chose et qui couvre toute chose et qui comprend toute chose. Donc Ar-Rahman et Ar-Rahim, quand ils sont mentionnés dans deux versets séparés. Toutefois, si dans le même verset on mentionne les deux ensemble, eh bien Ar-Rahman est relié à la description, à l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Ar-Rahim est relié à son action. Donc Ar-Rahman, c'est par rapport à son être, à la description d'Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à une description de son être, hein? Et Ar-Rahim, c'est par rapport à son acte, à son action. Il dit par exemple annahu azza wa jal dhu rahmatin wasi'a wa huwa aydan rahimun. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, d'une certaine façon on peut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui détient la grande miséricorde et celui qui fait parvenir à ses serviteurs sa miséricorde. Comme dans le verset lorsqu'il dit « Il châtie qui il veut et il fait miséricorde à qui il veut. Et c'est vers lui que vous serez retournés. » Et donc il dit « Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il englobe tous les croyants, tous nos frères musulmans de sa miséricorde et qu'il fasse de nous des gens qui appellent au bien et à la réforme. Et certes, il a le pouvoir sur toutes choses. » Ensuite, on va lire l'explication du verset suivant, c'est le verset 13, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Ya ayyuhannas, ya ayyuhannas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum inda Allahi atqakum, Inna Allah alimun khabir. Donc ça c'est le verset 13 qui signifie: Oh, les hommes, ou ô vous les hommes, nous vous avons créés d'un mâle et d'une femelle, c'est-à-dire d'un homme et d'une femme. Et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez, c'est-à-dire pour que vous vous connaissiez les uns les autres, ou que vous vous reconnaissiez les uns les autres. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand connaisseur. Donc ça c'est un verset avec une signification immense et très importante. Donc le cheikh il explique ce verset là en disant Al-khitab huna masdar binida an-nas umuman مع أن أول السورة وجه الخطاب فيه للذين آمنوا وسبب ذلك أن هذا الخطاب في هذه الآية موجه لكل إنسان لأنه يقع التفاخر بالأنساب من كل إنسان فيقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا أو يقول عز وجل يا أيها الناس هنا والخطاب للمؤمن والكافر والبر والفاجر. نعم. Donc le cheikh il dit ici, on voit que l'appel, hein, elle est dirigée dans le discours ici à tous les hommes, sans exception, les hommes, les femmes, les croyants et les non-croyants. Parce que Allah dit Ya ayyuhan nas. Et le cheikh il dit, et la raison de ça, c'est parce que c'est quelque chose qui se produit de tous les hommes. C'est-à-dire le fait de se sentir fier par rapport à notre origine, ou par rapport à notre ethnie, ou par rapport à des choses de ce genre, ça c'est quelque chose qui se produit de tous les hommes, sans exception. Et donc c'est un discours qui s'adresse à l'humanité tout entière. Hein? Et donc il dit le cheikh, Ya ayyuhan nas, ça s'adresse aux croyants et aux non-croyants, aux pieux et aux pervers. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى إنا خلقناكم من ذكر وأنثى c'est-à-dire nous vous avons créé d'un homme, c'est Adam, et d'une femme, c'est-à-dire Hawa, sa femme. وهذا هو المشهور عند علماء التفسير. C'est ça qui est célèbre, le plus connu chez les savants de tafsir. وذهب بعضهم إلى أن المقصود بالذكر والأنثى هنا الجنس يعني أن بني آدم خلقوا من هذا الجنس من ذكر وأنثى. Donc le cheikh il dit qu'il y a également parmi les savants de tafsir, il y en a qui ont mentionné que c'est Adam et Ève, et il y en a d'autres qui ont mentionné que c'est le fait que Allah nous a créés d'un mâle et d'une femelle, c'est-à-dire par rapport au sexe, hein, les deux sexes, c'est-à-dire le sexe mâle et le sexe femelle. C'est-à-dire que Adam a été créé de ces deux, hein, c'est-à-dire les fils d'Adam ont été créés de ces deux sexes-là. Et il dit وَفِي الْآيَةِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْإِنسَانَ يَتَكَوَّنُ مِنْ أُمِّهِ وَأَبِيهِ أي يُخْلَقُ مِنَ الْأَبْ وَالْأُمِّ من الأم والأب ولا يعارض هذا قول الله تعالى فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه نعم donc يخرج من بين الصلب والترائب لشيخ التي فإذا قلنا أن المراد بالصلب صلب الرجل أو صلب الرجل والترائب ترائب المرأة فلا إشكال. Donc le cheikh, on va expliquer ça ici, qu'est-ce qu'il explique? Il dit que, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé les fils d'Adam d'un mâle et d'une femelle, et ça c'est la preuve que pour créer un être humain, il faut prendre, c'est les deux qui entrent en jeu dans la formation de cette créature-là, c'est-à-dire le père et la mère. C'est quelque chose qui se crée par le produit des deux, du père et de la mère. Et il n'y a pas, donc, en voulant dire, c'est pas quelque chose qui est juste qui vient du père seulement, le bébé, il vient pas juste du père, il vient du père et de la mère. Parce qu'il y a une partie qui est donnée au bébé qui vient du père et une partie qui est donnée au bébé qui vient de la mère. Et donc c'est à partir de ces deux-là que le bébé est créé. Et c'est ça que le cheikh explique ici. Et il dit que ça ne s'oppose pas avec le sens du verset dans surat At-Tariq, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit que l'homme regarde de ce dans quoi il a été créé. Il a été créé d'un liquide qui est évacué ou éjaculé et qui sort de As-Sulb et At-Tara'ib. As-Sulb ou At-Tara'ib. Je vais juste vérifier la signification ou la traduction de ce terme. Et c'est As-Sulb ou At-Tara'ib, c'est dans le verset 7 dans Surat At-Tariq, c'est-à-dire sorti d'entre les lombes et les côtes. Bon, ça c'est une des explications. Le cheikh il dit As-Sulb, c'est-à-dire de l'homme, qu'est-ce qui sort d'une partie de l'homme, et At-Tara'ib, qu'est-ce qui sort de la femme. Donc si c'est dans ce sens-là, il n'y a pas de problème avec le verset. Sinon, il y en a qui ont dit que ça c'est وَإِنْ قُلْنَا بِالْقَوْلَ الرَّاجِحِ. Il y a dit, il y a une autre position des ulama qui est plus proche de qu'est-ce qui est correct. C'est إِنَّ الصُّلْبُ وَالتَّرَائِبُ وَصْفَانِ لِلْرَّجُلِ, que c'est deux descriptions par rapport à l'homme. الصُّلْبُ وَالتَّرَائِبُ, les deux c'est une description pour décrire l'homme. Et ça veut dire, comme on a dit, يعني, les lombes et les côtes. Donc le cheikh il explique que يعني, ce liquide et il sort de l'homme, et en ce qui concerne la femme يعني, ماؤها دافق. يعني, فلا يكون ماؤها دافق. Donc le cheikh il a dit, en ce qui concerne la femme, donc il dit que ce serait pas la même chose que l'homme, mais il dit, il réfère à son autre tafsir qui est l'explication du juz amma. Donc on vérifiera ça une autre fois, parce que moi je n'ai pas ce tafsir, donc j'ai pas pu retourner pour vérifier ça, qu'est-ce qu'il mentionne ici. Mais le cheikh il dit, wa ala hadha fa yakunu al-insan makhluqan min ma' ar-rajul wa lakin ma' ar-rajul wahdahu la yakfi. Donc il dit, le bébé il est créé à partir du sperme de l'homme, mais il dit le sperme de l'homme bien entendu ça ne suffit pas, il faut absolument que ce soit rattaché à l'ovaire que la femme produit dans ses trompes ou bien ses ovaires, l'ovule qui sort des ovaires, c'est ça. Donc c'est ce qui se mélange avec les spermatozoïdes. Bon, puis quand il y a un spermatozoïde qui féconde l'ovule, bien c'est ce qui se produit par la suite, un fœtus, hein, un bébé. Bon, le cheikh explique ça, puis il dit فَيَكُنُ الْإِنسَانُ مَخْلُوقًا مِنَ الْأَمْرَيْنِ جَمِيعًا. Donc le bébé est créé des deux choses ensemble, de son père et de sa mère. أي مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا أي صَيَّرْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ فَاللَّهُ تَعَالَى جَعَلَ بَنِي آدَمَ شُعُوبًا وَهُمْ أُصُولُ الْقَبَائِلِ وَقَبَائِلَ وَهُمْ مَا دُونَ الشُّعُوبِ فمثلا بنو تميم يعتبرون شعبا فأفخاذ بني تميم المتفرعون من الأصل يسمون قبائل وجعلناكم شعوبا وقبائل. Donc le cheikh il dit, et Allah subhanahu wa ta'ala il dit après qu'il a fait de vous des peuples ou des nations et des tribus, hein? Les nations شعوب, le pluriel de شعب, et les tribus c'est qabaïl, le pluriel de qabila, c'est-à-dire qabila c'est une tribu et shab c'est un peuple, une nation. Et donc Allah il nous a créé à partir de Adam et Ève, et il a fait de nous des nations, et ça c'est la base, les nations. Et dans les nations, il y a les tribus. Hein? Donc la base, c'est la nation, puis la nation est divisée par la suite en tribus. Et il dit, par exemple, Banu Tamim. Banu Tamim, c'est une nation. Hein? C'est une très grande... un très grand peuple, si on veut une nation. En Arabie Saoudite, ceux qui habitent à Riyad, ceux qui habitent à Qassim, on dit que c'est Banu Tamim, font partie de Banu Tamim. Hein? Et c'est ce peuple qu'on appelle Banu Tamim, cette nation, ben, ils sont divisés en tribus. Puis il y a des différents noms pour chaque section de la tribu, Afkhaz, hein, Al-Fakhiz, en tout cas, Al-Boutoun, différentes sections de chaque tribu, comment ils les appellent. Donc, Banu Tamim fait partie de, hein, c'est une nation, puis dans cette nation, il y a des branches. Hein, et donc, ça va du plus grand vers le plus petit. Et donc, il a fait de nous des nations et des tribus. هل الحكمة من هذا جعل من هذا الجعل أن يتفاخر أن يتفاخر الناس بعضهم على بعض فيقول هذا الرجل أنا من قريش وهذا يقول أنا من كذا وأنا من كذا ليس هذا المراد المراد التعارف أن يعرف الناس بعضهم بعضا donc le cheikh il dit est-ce que le but d'avoir créé toutes ces nations et toutes ces tribus, est-ce que c'est yani, que chacun soit commence à se vanter par rapport à l'autre, hein, que chacun dise moi je suis meilleur que l'autre, hein? Non, il dit c'est pas ça le but. Le but c'est qu'on se connaisse les uns les autres, on apprenne à se connaître les uns les autres. C'est ça le but pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés en différentes nations et en différents peuples. Et le cheikh, il explique justement, il dit إذ لولا هذا لولا هذا الذي سيره الله عز وجل ما عرف الإنسان أي قبيلة ولهذا كان من كبائر الذنوب أن ينتسب الإنسان إلى غير أبيه أن ينتسب الإنسان إلى غير أبيه donc le cheikh, il dit si Allah subhanahu wa ta'ala n'avait pas fait ça, hein, il n'avait pas divisé les hommes en différents peuples et en différentes tribus, eh bien les gens ne se reconnaîtraient pas les uns les autres. Et on ne saurait pas qui vient de qui et qui est de qui. Tout le monde serait mélangé. Et en tout cas, pour dire franchement, les gens, aujourd'hui, il y en a qui essaient de... disons de dire de créer des attachements par rapport à une, de créer des nations ou des peuples comme par exemple il y a des peuples qui veulent l'indépendance qui veulent par exemple dire bon nous on est un peuple et en réalité il n'y a rien qui les réunit ou qui les rassemble excepté certains vont dire c'est la langue d'autres vont dire c'est le territoire d'autres vont dire d'autres choses. Et tout ça, c'est des raisons qui peuvent être prises en compte pour dire qu'un peuple, c'est une nation ou quoi. Mais sinon, il y en a des choses, c'est vraiment, tu sens que c'est vraiment artificiel, des choses qui ne sont pas solides. De toute façon, surtout les nations modernes, là, comme les États-Unis et le Canada et des choses comme ça, tu vois, tout le monde est mélangé, tout le monde vient de différents pays, tout le monde a des cultures différentes, des religions différentes, des traditions différentes. Puis après, tout le monde dit on est un pays, on est un peuple, une nation. Est-ce que c'est vrai? Allahu a'lam. Mais bon, moi, qu'est-ce que je voulais expliquer ici par rapport à ce que le cheikh il mentionne? C'est que, yani, comme il dit ici, les gens. Ils se connaissent de cette façon-là. Chacun, ils ont leur nation, chacun, ils ont leur langue, chacun, ils ont leurs coutumes, et on apprend à se connaître les uns les autres. Et chacun, ils ont leurs particularités. Hein? Chacun, ils ont leurs particularités. Donc ça, c'est quelque chose d'un côté, c'est quelque chose qui est bien. hein, puisqu'on apprend à se connaître les uns les autres et hein, on apprend à profiter les uns des autres de qu'est-ce qu'on a de bien, de bon. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu ça pour qu'on puisse s'entreconnaître les uns les autres. Le Cheikh, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu ça. Il dit, et c'est pour ça que c'est interdit pour quelqu'un de s'apparenter à autre que son père. C'est-à-dire à prendre comme nom de famille autre que celui de son père. Ou bien de s'affilier à autre que son père. Il dit, وَلِهَذَا كَانَ مِنْ كَبَائِرِ الذُّنُوبَ أَنْ يَنْتَسِبَ الْإِنسَانِ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ لِأَنَّهُ إِذَا انْتَسَبَ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ غير هذه الفطرة التي فطر الناس عليها وهي أنهم شعوب وقبائل من أجل التعارف فيقول هذا فلان ابن فلان ابن فلان إلى آخر الجد الذي كان أبا للقبيلة للتعارف. Donc le but de ça, c'est pour qu'on sache notre généalogie, notre origine, de qui on vient. Mais c'est ça, qu'est-ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est un peu par rapport à ça, du fait que les gens aujourd'hui, avec tout ce qui se passe comme égarement, les gens ils connaissent pas leurs ancêtres, ils savent pas de qui ils viennent. Beaucoup de gens ils connaissent même, parmi les koufars, il y en a qui connaissent même pas leur père. Leur père, celui qui a été la cause de une des causes dans le fait qu'ils sont venus au monde, connaissent pas. Et il y en a qui connaissent pas leur grand-père, il y en a qui connaissent pas leur arrière-grand-père. Donc c'est pour dire, Yanni, que les gens ils ont perdu ça. Et une des raisons pour ça, c'est parce que les gens, surtout dans les pays de Kouf, ils tiennent pas, donnent pas d'importance au mariage, ils donnent pas d'importance à la famille. Donc quelqu'un il peut avoir un enfant avec une femme et puis il disparaît. La femme, elle élève l'enfant tout seul. Il n'a pas connu son père, il ne sait pas c'est qui. Le père, il va aller avec, comme il va faire des enfants comme ça partout, à gauche, à droite. Puis à la fin, qu'est-ce qui arrive? Plus tard, les gens essaient de retrouver qui est leur père, et puis ils ne savent pas. Donc peut-être que le frère, il va marier sa sœur, il ne sait même pas que c'est sa sœur. Subhanallah. Et surtout avec les choses ici, qu'est-ce qu'ils font avec les inséminations artificielles, les koufars, parfois ils vont dans les banques, hein, dans les banques de semences là, les banques de sperme comme ils les appellent, Allah musta'an. Et les femmes elles vont prendre le sperme d'un inconnu. Eh bien, il y a une histoire vraie qui est mentionnée à ce sujet-là. Supposément que c'est vrai. Ils ont même fait des films avec ça. Allahu a'lam. Mais ils ont dit que c'est une histoire vraie. À un moment donné, il y a eu un accident ou quelque chose. Ils ont perdu tout leur stock. Et il y a seulement les spermes d'un seul donateur qui est resté. Donc ils ont donné à toutes les femmes les mêmes spermes. Il y a toutes les femmes. Donc, en fait, cet homme-là, il a été à l'origine de comme une centaine d'enfants. Et à un moment donné, ils se sont tous mis ensemble. Ils ont découvert, parce que c'est des numéros, ils ne dévoilent pas l'identité du père. Mais finalement, ils ont demandé à la cour la permission de pouvoir dévoiler l'identité du père. Puis finalement, subhanallah, ils ont découvert la personne. Puis c'était le même homme, il a été le père d'une centaine d'enfants, subhanallah. Et pourtant, dans sa vie lui-même personnelle, il n'avait pas eu un seul enfant. Subhanallah. Donc c'est pour dire des histoires comme ça, vous imaginez, Annie, que de ses frères et sœurs, il y en a qui vont se rencontrer peut-être, puis ils vont se marier ensemble. C'est des frères et sœurs, puis ils vont faire l'inceste sans même savoir. Donc tout ça, c'est des explications, c'est grave quand même. Mais c'est pour dire que l'importance donc de garder les liens de parenté, puis de respecter les règles d'Allah, de ne pas avoir des mariages, des relations hors mariage, de faire des enfants illégitimes. C'est mauvais pour ça, puis aussi pour toutes sortes d'autres choses. Ça crée toutes sortes de problèmes dans la société. Donc, les kuffars, ils ne pensent pas à ça. Donc ici, le cheikh, il dit, pour que les gens puissent connaître leur père et ceux qui les ont mis au monde, et leur grand-père et leur arrière-grand-père, ça fait partie de la fitra. L'être humain, il veut savoir ses origines, d'où il vient. Donc ça, c'est très important. Et le but de ça, c'est pour qu'on se connaisse. فَيُقَالْ وَهَذَا فُلَانِ ابْنُ فُلَانِ ابْنُ فُلَانِ. On va dire, un tel, c'est le fils, c'est un tel, fils d'un tel, fils d'un tel. Et on connaît jusqu'à son arrière-grand-père, arrière-arrière-grand-père. Donc on sait de qui il vient, on connaît sa tribu. Aujourd'hui, les gens, quand tu leur dis le mot tribu, surtout ici, hein, pour comme étant quelqu'un bon, qui est né au Canada, qui est né ici, je sais que la plupart des gens, quand tu leur dis le mot tribu, ça a une connotation péjorative pour eux. Ils ont l'impression que tribu, c'est quelque chose de primitif, quelque chose, comme si on voulait en dire, c'est quelque chose qui est archaïque, quelque chose d'ancien en tout cas. Pour eux, c'est pas quelque chose de positif ou quelque chose de bon. Ou ils pensent peut-être même que les tribus, ça n'existe plus. Alors que non, il y a encore des peuples qui vivent en tribu, puis il y a encore des tribus. Mais c'est juste que maintenant, les gens, ils ont perdu... ils ont perdu les liens de parenté. Ou bien, des fois, la tribu est devenue tellement grande, où il y a tellement de différentes branches dans cette tribu, que c'est devenu une nation. Comme Banu Tamim, par exemple. Mais ça n'empêche qu'ils gardent quand même les liens de parenté, puis ils connaissent leur généalogie jusqu'à très loin. Hein? La plupart, c'est comme ça. Salam alaykoum salam. Donc le cheikh, il dit, si quelqu'un refuse de s'apparenter à son père, ou bien il prétend descendre de quelqu'un d'autre que son père, ça fait partie des grands péchés dans l'islam. Min al-kaba'ir. Il dit, li'annahu idhan tasava ila ghayri abih. Donc s'il s'apparente à autre que son père, eh bien il a changé cette fitra sur laquelle Allah a créé les hommes. C'est-à-dire que le cheikh, il dit, le fait que les peuples et les tribus, ils ont été créés comme ça par Allah pour qu'ils puissent savoir qui est leur père, qui est leur grand-père, et ainsi de suite, pour qu'ils puissent se connaître les uns les autres. Et là, l'ittafaquri bil ahsab wal ansab. C'est pas pour qu'ils se sentent fiers les uns les autres, ou qu'ils disent, moi je suis meilleur parce que je suis de telle origine, de telle famille, de tel lien de parenté. Non. Inna akramakum indallahi atqakum. C'est-à-dire, le plus noble d'entre vous, c'est le plus pieux. C'est ça qui fait que quelqu'un est plus noble. C'est pas juste le fait d'être de telle famille. Tu peux être d'une famille noble, puis toi t'es le plus pervers, le plus égaré des hommes. Donc c'est pas quelque chose qui va te sauver, le fait que tu fasses partie d'une famille noble, c'est pas suffisant. Il faut que tu sois noble en toi-même. Et pour obtenir cette noblesse, eh bien il faut que tu sois pieux. Il faut que tu aies pris une protection entre toi-même et le châtiment d'Allah, comme on a dit tout à l'heure. Atqakum, celui qui a pris la meilleure protection entre lui et Allah, en faisant ce qu'Allah a ordonné et en s'écartant de ce qu'Allah a interdit, en espérant sa récompense pour ses bonnes œuvres et son châtiment, et en craignant son châtiment pour ses péchés. ليس الكرم أن يكون الإنسان من القبيلة الفلانية أو من الشعب الفلاني. الكرم الحقيقي النافع هو الكرم عند الله ويكون بالتقوى. فكلما كان الإنسان أتقى لله عز وجل كان عند الله أكرم. Donc le cheikh, il dit, La noblesse, c'est pas que quelqu'un vienne de telle ou de telle tribu, ou de tel ou de tel peuple. La vraie noblesse, c'est que quelqu'un soit noble auprès d'Allah. Ça, c'est la vraie noblesse qui est réelle et qui est bénéfique. C'est le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, tu sois noble, tu sois considéré comme noble auprès de lui, par rapport à lui. Et donc, le cheikh, il dit, وَيَكُونُ بِالتَّقْوَى. Et ça, cette noblesse, elle est établie par rapport à la piété. التَّقْوَى. Il dit, فَكُلَّمَا كَانَ الْإِنسَانُ أَتْقَى لِلَّهِ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ أَكْرَمُ. Donc, plus tu es pieux envers Allah, et plus tu es noble auprès de lui. فَإِذَا أَحْبَبْتَ أَنْ تَكُونَ عِنْدَ اللَّهِ كَرِيمًا فَعَلَيْكَ بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. والتقوى كلها خير والتقوى كلها الخير كلها البركة وكلها سعادة في الدنيا والآخرة. Donc le cheikh il dit, il explique que chaque fois, plus un être humain est pieux envers Allah, et plus qu'il sera noble pour Allah. Et si tu veux donc être considéré comme étant noble auprès d'Allah, alors tu n'as qu'à faire preuve de piété envers Allah. Parce que la piété, c'est tout le bien. C'est toute la bénédiction. C'est de la bénédiction. Et il dit, c'est du bonheur dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Donc le cheikh il dit, certes les alliés d'Allah, c'est-à-dire ceux qui sont rapprochés d'Allah, ils n'auront aucune crainte et ils ne seront pas attristés. Ce sont ceux qui ont cru en Allah et qui font preuve de piété, qui ont at-taqwa. Il dit, وَمَا أَكْثَرُ مَا تَرِدُ عَلَىٰ أَسْمَاعِنَا كَلِمَةَ التَّقْوَى وَلَيْسَ لَفْظًا يَجْرِي عَلَىٰ الْأَلْسُنْ وَيَمُرُّ بِالْآذَانِ بَلْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ لَفْظًا عَظِيمًا مُوَقَّرًا مُعَظَّمًا مُحْتَرَمًا. Donc le cheikh il dit, on entend souvent ce mot-là, le mot « taqwa ». Il dit, c'est pas un mot qu'on dit comme ça, avec la langue, et qu'on entend, qui passe par les oreilles, et ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre, comme on dit. Il faut que cette parole, cette grande parole, soit respectée. ويفوت الإنسان من التقوى بقدر ما خالف فيه أمر الله تعالى ورسوله. فإذا رأينا مثلا إنسانا يتقدم إلى المسجد ويصلي مع الجماعة ويخشع في صلاته ويؤديها بكل طمأنينة، وآخر بالعكس يصلي في بيته ويقتصر فيها على الواجب، فالأول أتقى إذن فهو أكرم عند الله حتى لو كان مولى من الموالي. Donc le cheikh il dit, par exemple, si un homme il vient tout le temps à la mosquée, il fait la salat avec la jama'a, il craint, il a plutôt de l'humilité dans sa salat, il est concentré dans sa salat, et il a fait avec toute la le repos et le fait de la faire de façon posée, de prendre son temps pour la faire avec concentration et avec méditation, avec foi. Tandis que l'autre, il fait sa salat chez lui, et il se limite à faire juste ce qui est obligatoire. Il dit, le premier, il est plus pieux que le deuxième. Parce que le premier, il fait des efforts pour venir à la mosquée, pour prier avec concentration, pour prier avec humilité. et pour établir les obligations. Donc, le plus noble des deux, c'est le premier, parce qu'il a plus de piété. Hein? Tandis que le deuxième, il a moins de piété, hein? Puisqu'il fait moins d'efforts dans sa religion. وكل إنسان يحب أن يحظى عند السلطان في الدنيا. نعم. وكل إنسان يحب أن يحظى عند السلطان في الدنيا ويكون أقرب الناس إليه. فكيف لا نحب أن نكون أقرب الناس إلى الله وأكرمهم عنده؟ سبحان الله. الشيخ الذي tous les hommes aiment être proches du roi ou du dirigeant ou de celui qui a le pouvoir dans cette vie d'ici-bas, hein? Et tout le monde veut être le plus proche de lui, le plus possible. Alors comment quelqu'un ne pourrait pas aimer être plus près d'Allah, hein? Être le plus noble pour Allah. Donc ça, c'est important de savoir. Donc si tu veux être le plus près, le plus noble, le plus près d'Allah, eh bien, l'affaire n'est pas impossible. Tu n'as qu'à faire preuve de piété. Il dit: المسألة هوى والشيطان وإلا لكان الأمر واضحا فعليك بتقوى الله عز وجل لتنال الكرم عند الله إن الله عليم خبير. Donc on va expliquer cette partie là. Donc le cheikh il dit, donc celui qui a plus de piété, eh bien c'est lui qui fait plus d'efforts, il va prier en jama'a, il prie avec humilité, il prie avec concentration, il prend son temps dans sa salat, hein, il est posé. Tandis que l'autre qui prie uniquement chez lui, qui prie sans concentration ou qui prie rapidement, c'est sûr que le premier il est plus pieux que lui. Et donc il est plus noble. Il dit même si le premier c'est un maître et l'autre c'est un esclave. Ça veut dire même si celui qui prie à la mosquée et qui est très concentré et pieux, c'est un esclave ou un homme pauvre qui n'a aucun rang social, hein, et que l'autre qui prie chez lui, qui est paresseux, lui, hein, c'est un riche, quelqu'un qui a beaucoup de richesses et qui a un rang social élevé et qui fait partie d'une grande famille noble, eh bien le premier, l'esclave, est plus noble pour Allah que le deuxième. Donc c'est pas par rapport à la considération dans cette vie d'ici-bas, hein? C'est par rapport aux caractéristiques qui sont mentionnées, par rapport à la vraie noblesse, c'est-à-dire la noblesse auprès d'Allah, qui est basé sur la piété. Et donc le cheikh il dit, donc la question ça revient en même temps aussi à la passion, au shaitan, hein, qui pousse les hommes vers la désobéissance et vers le fait de vouloir essayer de se penser meilleur que les autres, même si on n'a pas de raison de le penser. Illa la kana al-amru wadihan, sinon l'affaire aurait été claire, hein. Donc le cheikh il dit, donc tu dois faire preuve de piété et pour obtenir cette noblesse de la part d'Allah. Et il dit ensuite: inna Allah alimun khabir bi kulli shay li'annahu huna mutlaq wa lam yuqayyid bi hal min al ahwal khabir al khibra hiya al ilm bi bawatin al umur العلم بالظواهر لا شك أنه صفة مدح وكمال، ولكن العلم بالبواطن أبلغ، فيكون عليم بالظواهر وخبير بالبواطن، فإذا اجتمع العلم مع والخبرة صار هذا أبلغ في الإحاطة. وقد يقال إن الخبرة لها معنى زائد على العلم، لأن الخبير عند الناس هو العليم بالشيء الحاذق فيه، بخلاف الإنسان الذي عنده علم فقط ولكن ليس يعني ولكن ليس عنده حذق أو حذق فإنه لا يسمى خبيرا. فعلى هذا يكون الخبر يكون الخبير متضمنا لمعنى زائد على العلم يكون له يعني أو يكون الخبير متضمنا لمعنى زائد عن العلم. Donc on va terminer avec cette dernière partie pour aujourd'hui. Inch'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala termine le verset 13, en disant « Certes, Allah est omniscient et très bien informé, et parfaitement informé. » C'est-à-dire parfaitement informé de toutes choses, et omniscient, c'est-à-dire qu'il connaît toutes choses. Donc ici, c'est absolu. Ici, c'est dans le sens, yani, absolu, dans le sens que Allah est informé de toutes choses sans exception, et qu'il sait tout sans exception. Et il n'y a rien qui vient limiter ça. Il n'y a rien qui vient limiter cette connaissance-là. Allah subhanahu wa ta'ala, il est khabir. Et al-khabir, ça vient de l'attribut de al-khibra. Al-khibra, c'est-à-dire le fait d'avoir la connaissance de les choses à l'intérieur. Dans le sens que de savoir comment une chose est intérieurement. Et de connaître tous les aspects de quelque chose. C'est ça que ça veut dire, al-khibra. Il dit que alim, par contre, alim, c'est la connaissance, mais des choses extérieures. Tandis que khabir, c'est la connaissance des choses intérieures. Naam. Et il dit ensuite, si les deux sont réunis dans le même verset, eh bien, ça donne un sens encore plus vaste dans yani, le fait d'envelopper quelque chose de sa science. Qu'il est alim et khabir, ça veut dire que sa science enveloppe tout, l'intérieur et l'extérieur. وَقَلْ يُقَالُ إِنَّ الْخِبْرَ لَهَا مَعْنًا زَائِدٌ عَلَى الْعِلْمِ. Certains ont dit qu'on pourrait dire que al-khibra a une signification plus grande. Que al-khibra a une signification d'une connaissance qui est plus grande qu'une simple science ou que le mot ilm. Parce que al-khabir, chez les gens, c'est celui qui a la connaissance de quelque chose et qui la maîtrise, qui sait comment l'appliquer et la maîtriser. Donc, contrairement à la personne qui a uniquement la connaissance, mais qui ne sait pas comment maîtriser et appliquer la chose, la connaissance qu'il a. Donc, on ne va pas l'appeler khabir, on va l'appeler alim seulement. Donc, khabir, ça implique une signification supérieure à uniquement la science. Donc, on s'arrête ici, Inch'Allah, pour aujourd'hui, puis on continuera. Demain بإذن الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.